Le représentant de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en Corée, Vincent Matin, a présenté le 17 ses lettres de créance à Ri Yong-ho, ministre coréen des Affaires étrangères, avant de s'entretenir